Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur notre podcast La Route du Rock. Aujourd'hui, on va se replonger dans un événement marquant, le mythique live 1981 de Johnny Hallyday. Avec moi, comme toujours, mon acolyte et pas mon alcoolique, Rook Le Barge. Salut JP, salut à toutes et tous. Aujourd'hui, on parle d'un monument du rock à la française, Johnny, le live, la sueur et surtout la musique. Et pour nous accompagner dans ce voyage, on a une invitée spéciale, France-Hélène, une fan inconditionnelle de Johnny. Bienvenue à toi. Bonjour France-Hélène. Salut tout le monde, trop heureuse d'être ici pour parler de ce live incroyable. Alors plantons le décor, on est en 1981, Johnny part en tournée avec une nouvelle équipe. Le Night Rider Band, je parle très bien anglais, n'ayez pas peur. Un groupe américain. Rook, raconte-nous, qu'est-ce qui rend cette tournée si spéciale? Eh bien, cette tournée d'une quarantaine de dates s'est achevée en apothéose à l'hippodrome de Pantin. Petit rappel historique, un immense chapiteau que j'avais connu fin 1975 en tant que jeune secouriste pour le spectacle Bénure, produit par Jean Richard. Mais c'est une autre histoire. Cet hippodrome remplaçait le pavillon de Paris qui ferma ses portes au cours de l'été 1980. L'hippodrome de Pantin cessa, lui, fin 1982, suite à une tempête, pour laisser la place à un zénith inauguré en 1984. Concernant le groupe, ce ne sont pas des petits joueurs, loin de là. Ces musiciens avaient bossé avec les plus grands, genre Elton John. Ce qu'ils apportent à Johnny, c'est un son brut et à l'américaine très rock'n'roll. Et ce live de 1981, c'est vraiment une vitrine de cette énergie. Ouais, et ce qui m'a marqué, moi, c'est que Johnny voulait être proche du public. C'était pas seulement un show sur produit, c'était, authentique. Bah, et parlons de l'album en lui-même. Le double album live sorti en avril 1981 ne se concentre pas sur une seule salle, comme à son habitude. Souvent, il faisait une grande salle parisienne et on avait une retranscription audio de cette grande salle. Là, on a des enregistrements de Chartres, Évreux et bien sûr de l'hippodrome de Pantin. Rook, ton avis sur cette approche un peu différente? Perso, j'adore. On a des morceaux qui capturent l'énergie brute d'une tournée. Johnny apparaît vêtu d'une chemise et d'un pantalon de cuir, avec sur le côté des médaillons de métal, avec des lanières de cuir qui pendent, et certains soirs un Stetson, un chapeau de cow-boy, de feutre gris sur la tête. Le titre Guerre, qui est en ouverture, est juste magistral. Le son change légèrement selon les salles, mais c'est ce qui rend cet album unique. Il dégage une énergie terrible. Et quel super solo de batterie de Robert Paul Guidotti, qui est suivi du classique Fils de Personne, la version française du Fortunatson de John Fogerty. Là, c'est un solo du saxo ténor Bruce Dill. Enfin, je sais pas, à mon avis, la meilleure version de ce titre. Cette entrée en matière est épique. Johnny arrive comme un ouragan et la salle explose. Mais pour moi, un des moments forts, c'est Lady Cocaine. La censure sur la version studio de Lady Divine est cette fois levée. La façon dont il chante, c'est tellement intense. Et après, quand il enchaîne avec des morceaux comme Si j'étais un charpentier, il vous file des frissons. Ce titre, je crois que je ne l'ai jamais autant aimé qu'en live. Et alors, que dire de Ma gueule, qui est réinterprétée avec une puissance incroyable. C'est un peu un hymne à la révolte. Et toi, Rook, qu'est-ce que t'en penses? Ce titre est un classique intemporel, mais dans ce live, il prend une autre dimension. On a l'impression qu'il hurle sa colère et sa fierté. Petit rappel historique, si les paroles sont bien de Gilles Thibault, la musique attribuée à Pierre Nassabal est un plagiat d'une composition de Philippe Bretonnière. Pierre Nassabal se suicidera d'ailleurs en 1983, avant la décision finale de justice. Il avait acheté une maison avec les futures royalties que devait lui rapporter ce titre. Ah, ma gueule! Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Ce qui est fou, c'est la richesse de la setlist. On a des morceaux comme « Quand ce jour viendra », des ballades puissantes comme « J'ai pleuré sur ma guitare », et puis ce final. Rook, parle-nous du final. Oui, eh bien, le final, c'est une leçon de rock'n'roll. Il termine avec « Rien que 8 jours »,« Aucun rôle »,« Johnny revient »,« Deux étrangers » et le bon temps du rock'n'roll. Les musiciens se lâchent, le public est en transe, c'est un moment magique. Vraiment. Sans parler aussi de Gabriel, cette version live est une de mes préférées. Johnny y met une énergie incroyable et le public chante à l'unisson. C'est presque une communion. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous très bien. Justement, ce rapport au public, c'est ce qui rend ce live si spécial. Il y a une proximité qui transparaît dans chaque morceau. À mon sens, c'est un renouveau ce live. Rook, tu as une anecdote sur cette tournée ? Moi, j'en ai une. Au début 81, le 13 janvier, par une dépêche de l'ASP, il y a une rumeur que Johnny était mort d'un cancer foudroyant à l'hôpital de Bobigny. Et la rumeur avait tenu bon alors qu'il était en répétition aux USA. Et moi, je m'en souviens encore. Et toi, Rook ? Pour répondre à cette rumeur et à d'autres, on trouvera sur l'album suivant, pas facile, le titre « J'en ai marre ». Il paraît qu'aux dernières nouvelles, oui, presque au journal officiel, je suis mort au moins 3 fois et je ne le savais pas. Avec aux dernières nouvelles, oui, presque au journal officiel, je suis mort au moins 3 fois et je ne le savais pas. Et à l'époque également, certains journalistes étaient sceptiques sur le fait qu'il joue avec de nouveaux musiciens américains. Mais Johnny leur a cloué le bec. Il a prouvé qu'il pouvait s'entourer des meilleurs et rester fidèle à son style. Oui, je suis d'accord avec toi, Rook. Et en plus, il l'a fait avec un charisme incroyable. Johnny, c'était pas un chanteur, c'était un performeur. Chaque concert était un événement. Bon, il a pris plusieurs titres de son album en pièces détachées, qui était un album un peu du renouveau, après, à partir de maintenant, qui était un peu un album un petit peu de fin de décennie, on va dire. Et là, on a un son beaucoup plus rock et on a un son beaucoup plus lourd dans cet album en pièces détachées. Et on le ressent dans ce spectacle. Oui, il y a, je crois, quand même 5 titres du dernier album, dont 2 titres un peu spéciaux. Rook, tu veux parler de Guerre et de Lady Divine, j'imagine. Guerre, c'est un thème qu'on n'avait jamais vu, chanté par Johnny. Il s'implique contre le fait de faire la guerre. Oui, et Lady Divine, qui avait été censurée dans la version studio par l'entourage de Johnny, qui trouvait cette idée excessive. Mais sur scène, elle devient au fur et à mesure Lady Cocaine. Ouais, mais aussi des allusions, c'est à Catherine Deneuve, que l'on voit beaucoup à ses côtés justement dans cette période-là. Un couple ou pas, nul ne sera vraiment officiellement. Non, c'est clair. Mais on peut pas passer non plus sous silence cette version que vous connaissez pas, hein, puisqu'elle est née sur l'album précédent, Deux étrangers, qui sera un futur classique dans certains concerts qui suivront et qui donneront des mises en scène incroyables dans le futur. Mais on ne sait pas encore qu'on est qu'en 1981. Oui, un grand classique en devenir, hein, tout comme chez Madame Lolita. Au fait, la tournée a débuté le 2 février 1981 à Nantes, marquant le début d'une série de performances à travers la France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg, pour finir le 23 mars à l'Hippodrome de Pantin. Oui, et cet album live, d'ailleurs, est loin d'être mineur, bien au contraire. Et cette même année, d'ailleurs, il sort un extrait de ce live en single. Excusez-moi de chanter encore du rock'n'roll, et je peux te faire l'amour. En avril, je crois. Rook, tu confirmes ? Oui, c'est ça, le 21 avril. Et il sort en septembre un autre album studio. Pas facile, avec son lot de bons titres aussi, hein. Une très bonne année, il faut le dire. Ouais, mais bon, on a beau aimer Johnny, on va pas se leurrer non plus. 2 albums studio dans la même année, ça fait quand même beaucoup, pour rester honnête quand même. Il y a également un duo, On Night, Like This, je parle aussi bien anglais que JP, avec Vicky Landreau sur son album Love Is Alive. Disque d'ailleurs qui n'a jamais été édité en France. Oui, ça fait partie des disques collecteurs, notamment pour ce titre-là. Et puis, il faut revenir, hein, quelle performance au Forest National à Bruxelles, hein, le 6 février 81. D'ailleurs, le concert avait été filmé et ça avait permis de capturer l'énergie que Johnny avait sur scène à cette époque et de préserver un souvenir visuel pour les fans. Et quel souvenir ! Oui, et on ne peut oublier le concert du Centre Sportif de Pétange au Luxembourg, le 10 février 1981. Cette performance de Johnny a été particulièrement appréciée pour son intimité dans une salle plus petite. Ouais, et moi j'oublie pas non plus l'ouverture du spectacle avec la chanson Guerre. Ça a donné immédiatement le ton rock et puissant du concert. Un grand moment avec ce titre inédit. Bon, bah écoutez, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci, France-Hélène, pour tes anecdotes et ta passion communicative. Merci à vous, c'était un vrai bonheur de parler de ce live. Bonne journée, à bientôt. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire ou une note. On revient très vite pour un nouveau chapitre de La Route du Rock. Allez, on se quitte avec un extrait du bon temps du rock'n'roll. Merci à toutes et merci à tous et à très bientôt. Ciao.